Combien de portes j'ouvre et je ferme par jour ? La porte, qu'elle soit de bois, de métal, de verre, de papier, en textile, qu'elle tourne, qu'elle se lève, ou qu'elle soit automatique, serait peut-être un élément commun, une sorte de compagne universelle. On dirait alors quelque chose comme « peu importe qui nous sommes et où nous vivons », les portes du monde entier dessinent la ligne du dedans et du dehors, définissent nos allées et venues, délimitent les périmètres du possible et de l'interdit, ritualisent nos cheminements, créent le premier pas vers la rencontre ou l'éloignement de toute expérience. La porte, objet simple, banal, omniprésent, presque con. La porte, qui dessine la cartographie immédiate des pouvoirs et des distinctions, des libertés et des contraintes. La porte qui semble la première offrir une approche concrète pour la notion d'intimité ou celle d'espace privé. Aujourd'hui, dans cet étrange printemps 2020, la porte ne s'oublie pas, elle ne disparaît pas dans les limbes de la banalité quotidienne. La porte semble renforcer son implacable dialectique à l'extrême. Elle nous protège plus que jamais, elle se ferme plus que jamais à d'autres. Mais elle se découvre aussi de nouveaux vécus et de nouveaux paradoxes. Toucher une simple poignée de porte est devenu désormais un geste lourd de doute, voire de crainte. Les conversations privées se déroulent soudain sur les trottoirs dehors. Et tandis que les maisons se verrouillent, les magasins encore en activité, quant à eux, laissent justement leurs portes ouvertes aux quatre vents. Combien de portes ouvrons-nous et fermons-nous par jour ? Aujourd'hui, ça devient comme une vraie question. Mais ça l'a toujours été. Combien de portes ouvrons-nous et fermons-nous par jour ? Bien entendu, ça dépend qui et ça dépend où. Bien entendu, la porte n'est pas une compagne si universelle que ça. Il y a toutes les personnes à qui on a ôté, provisoirement ou définitivement, le droit et l'autonomie d'ouvrir ou fermer des portes soi-même. Il y a actuellement plus que jamais toutes celles et ceux qui auraient besoin d'une porte à soi. Alors avant d'entrer dans cette divagation en roue libre sur les portes, il faut dire derrière quelle porte ma voix parle et où c'est ici. Ici, c'est derrière une porte que je peux ouvrir et fermer à loisir, dans un espace suffisamment petit et suffisamment grand pour être bien. Ici, c'est derrière une porte où il y a peu d'inquiétudes urgentes pour soi-même. Ici, c'est un espace confiné derrière la porte où il y a suffisamment de calme et de temps pour essayer de penser quelques trucs à propos des portes. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas de clé, alors moi j'appelle Richard, moi. Et comment voulez-vous que je rentre autrement? La pluie dégouline jusque dans mon cou. J'ai plutôt bonne mine, les pieds dans la boue. Drôle d'aventure, ma porte est bouclée. Je trouve bien la serrure, mais alors je trouve plus ma clé. Ouvre la porte, Richard. Ouvre la porte, qu'il puisse rentrer. Il y a plus de 20 ans, au squat des Délices à Genève, un de ces nombreux lieux désormais fermés, il y avait un type qui s'appelait Porte. Je me rappelle à peine de son visage, mais je me rappellerai toute ma vie qu'il s'appelait comme ça. C'est à la fois magique et idiot ce nom. Comme tout le monde, les portes m'accompagnent chaque jour, mais certaines traversent aussi mes souvenirs. Il y a celles qu'on ouvre qu'une seule fois et celles qu'on traverse des milliers de fois. Il y a celles qu'on regrette d'avoir fermées, celles qu'on regrette d'avoir ouvertes. Il y a celles qu'on redoute, celles dont on se réjouit. Il y a des portes sensuelles, sensorielles. Il y a des portes dont on se fout éperdument. Comme tout le monde, les portes accompagnent mes rêves et mon imaginaire, et parfois mon travail aussi. Il y avait ce projet de performance où des dizaines de personnes sortiraient leurs portes de leurs gonds pour les rassembler dans l'espace public. La performance aurait été autant cette forêt de portes alignées sur une place que ces étranges trous béants ouverts un peu partout dans les maisons de la ville. La porte m'accompagne depuis longtemps. Mais du coup, au fond, ça vient d'où une porte ? Ça commence comment ? Don't go, knock my door. I'm telling you now. Don't go knocking on my door. Gotta stay away for sure. La porte n'est pas une invention humaine. La propolis, par exemple, joue un rôle de bouclier protecteur à l'intérieur de la ruche. En grec ancien, elle signifie justement « en avant de la ville ». Dans la ruche, la propolis a pour but de colmater les fissures, réparer les alvéoles, mais surtout assainir. Les ouvrières s'en servent pour créer un sas à l'entrée de la ruche. Toutes les abeilles doivent passer par ce sas, détruisant ainsi les parasites présents sur leur corps. Le sas d'entrée de la propolis protège aussi les abeilles des éléments extérieurs comme le vent, l'humidité ou la pluie. Il paraît que les plus vieux restes de portes humaines, tels qu'on se la représente familièrement aujourd'hui, ont été découverts en Suisse et seraient vieux de 5000 ans. Les plus anciennes représentations de portes, du point de vue de l'histoire normative occidentale, se trouvent quant à elles dans les tombeaux égyptiens, où la porte, qu'elle soit simple ou à double battant, crée le passage vers le monde des morts. Le livre des portes, justement, raconte le voyage du dieu Ré, au pays d'où l'on ne revient pas et dont les portes ne savent que se fermer à jamais. Dans le Moyen-Âge francophone, la porte ne désigne que celle du château. Le peuple se contente de l'issue ou de lui, quand l'huissier était alors l'artisan des portes en bois, avant de devenir celui qu'on ne devrait jamais entendre frapper à la porte. Ce n'est qu'au XVIe siècle, avec le développement accéléré de l'urbanisme, que le terme se généralise aux maisons, et que la serrure et la clé font une apparition étendue. À l'ère pré-industrielle et industrielle, la porte s'écarte en partie de ses fonctions de distinction sociale, symbolique et ornementale, pour participer activement au projet d'hygiénisme social. La porte protège des microbes, renforce les notions d'espace privé, de propriété privée, formalise aussi les notions d'isolation acoustique ou encore d'étanchéité aux odeurs. La porte se cristallise dès lors autour de sa fonction de sécurité, peut-être davantage que d'autres fonctions premières, telles que celles de circulation, d'étape rituelle ou de passage. Des expressions multiples accompagnent ces structurations sociales, comme celle de « mettre à la porte » pour parler de licenciement. Quand tu penses à une porte, elle est plutôt ouverte ou elle est plutôt fermée? Bien entendu, les portes se ferment, et parfois elles claquent. On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse. Qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit, tu comprends, tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite. Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Dans les dernières années de sa vie, la psychiatre et pédagogue Françoise Minkowska a exposé une vaste collection de dessins d'enfants polonais et ou juifs réalisés durant l'occupation allemande. Pour Minkowska, la violence et la terreur ambiante, l'expérience de confinement ou de planque dans des armoires, des caves, des greniers ou des pièces exiguës, dessinent une architecture spécifique sur le papier des enfants. Françoise Minkowska parle de maisons immobiles, des maisons immobilisées dans leur raideur. Cette raideur, écrit-elle, et cette immobilité se retrouve aussi bien à la fumée des cheminées que dans les rideaux des fenêtres. Les arbres autour de la maison sont droits, ont l'air de la garder. Minkowska évoque d'autres dessins d'enfants qui n'ont pas vécu cette expérience et relève que bien souvent, dans ces contextes plus heureux, le dessin intègre les mouvements par lesquels on accède à la porte. L'enfant dessine le chemin qui conduit à la porte, un chemin qui souvent est une montée. La maison heureuse est un mouvement, une expérience kinesthésique. Françoise Minkowska note qu'à la porte, il y a une poignée. On y entre, on y habite. Ce n'est pas simplement une maison construction, c'est une maison habitation. Une poignée de porte, très souvent oubliée dans les dessins des enfants désignés comme rigides, rigidifiées par leur environnement. Au XVIe siècle, l'architecte Bernard Palissy cherche quant à lui à modéliser la ville-forteresse parfaite. Cet autodidacte génial, à la fois potier, émailleur, peintre, écrivain, artisan verrier et architecte, emprunte lui aussi le chemin d'autres artistes de la Renaissance qui consiste à s'inspirer d'éléments du paysage ou de la nature. Palissy s'intéresse particulièrement aux grottes, aux terriers et à la coquille d'escargot. La spirale de la coquille semble offrir des merveilles, non pas seulement esthétiques, mais aussi pratiques, en termes de stratégie de défense et de sécurité. Palissy observe les escargots de l'étang. Il écrit « Quant aux coquilles en spirale, ce n'est point pour la beauté seulement, il y a bien autre chose. Tu dois entendre qu'il y a plusieurs poissons qui ont le museau si pointu qu'ils les mangeraient si leur maison était droite. » Ainsi instruit, Palissy s'enferme avec ses compas et sa règle et commence son plan. Au centre même de la ville-forteresse, il y aura une place carrée qui sera la demeure du gouverneur. À partir de cette place commence une rue unique qui fera 4 fois le tour de la place. En cette rue, 4 fois enroulée, toutes les portes et fenêtres donnent sur l'intérieur de la forteresse, de sorte que le dos des maisons ne fasse qu'une muraille continue. La dernière muraille des maisons s'accote au mur de la ville, qui forme ainsi un gigantesque escargot. Bernard Palissy, qui par ailleurs passa la plus grande partie de sa vie emprisonné, développe longuement les avantages de cette forteresse escargot naturelle. L'ennemi en prendrait-il une partie que le noyau de la retraite serait toujours disponible? C'est ce mouvement de retraite par spirale qui donne la ligne générale du projet. Le canon de l'adversaire ne saura pas non plus suivre la retraite et prendre en enfilade les rues de la ville enroulée. Les canonniers ennemis se trouveront aussi désappointés qu'étaient devant la coquille enroulée les prédateurs au museau pointu. Au printemps 2018, je marche avec David sur la grande muraille de Chine, déserte. La neige tombe en même temps que les pétales des cerisiers blancs. Et même si nous nous sentons coupables d'être touristes et de participer activement à cette nouvelle peste mondiale répandue par les privilégiés, et même si cette industrie du voyage est une grande actrice de cette crise actuelle, de notre confinement et d'autres crises à venir, je mentirais si je ne disais pas que ce moment précis, a été un des plus puissants de ma vie. Nous marchons sur ce dragon de pierre qui s'étend à perte de vue, et nous observons que son corps est fait de 2 côtés bien distincts. Du côté de l'Empire, le flanc du mur dragon est court et accessible. Du côté des peuples non asservis, le mur est souvent immense, hors de portée. Et surtout, les portes n'existent que d'un seul côté. Sur le flanc qui donne sur le territoire du hors-lieu et des barbares, il n'y a pas de porte. Le mur est aveugle, scellé. Shadow marks every stride. and I learned to live with what's trapped inside. Les portes sont un point faible que les humains, fabriqueurs d'escargots ou de dragons, cherchent à maîtriser. La maîtrise de la porte est essentielle. Elle apporte du pouvoir, de la force, du plaisir et de l'autonomie, à l'image des portes du corps. Nous sommes heureux de maîtriser nos sphincters, de choisir d'ouvrir ou de fermer nos paupières, ou notre bouche. Nous sommes tantôt inquiets, indifférents ou fascinés, par ces portes intérieures que nous ne maîtrisons pas, telles que la valve mitrale qui travaille discrètement dans notre cœur, ou la fameuse veine porte qui amène le sang de l'appareil digestif dans le foie. Pour les personnes qui possèdent un vagin, la maîtrise de ce qui y entre et sort est également un combat essentiel, malheureusement constant, de la sacralisation patriarcale de l'hymen au viol, aux grossesses non désirées, en passant par la réhabilitation des règles, ou l'exploration de techniques telles que le flux instinctif libre. Le vagin revendique et célèbre partout dans le monde un très long travail de réappropriation, y compris celle d'une libération de cette schématisation cliché en porte. La porte a des pouvoirs thérapeutiques et des vertus magiques qui font souvent les frais d'une vision binaire et genrée du monde. Pour se guérir de l'impuissance, il était prescrit de pisser 3 ou 4 matins dans le trou de la serrure de l'église où l'on a épousé. En langue dogon au Mali, la serrure se dit l'enfant de la porte. La porte semble l'artefact de la binarité par excellence, ouverte ou fermée, la matérialisation même de la logique, le chemin tout tracé vers l'informatique. Dans son merveilleux bouquin intitulé « La poétique de l'espace » et dont je ne me lasserai jamais, Gaston Bachelard se méfie des lectures binaires de l'espace et des dialectiques puristes du dedans et du dehors. Il écrit « Répéterons-nous dans le style du logicien, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ?» Dehors et dedans forment une dialectique d'écartèlement. La dialectique du dehors et du dedans a la même netteté tranchante que la dialectique du oui et du non qui décide de tout. On en fait, sans y prendre garde, une base d'images qui commande toutes les pensées du positif et du négatif. Les logiciens tracent des cercles qui se chevauchent ou s'excluent, et aussitôt toutes les règles sont claires. Le philosophe, avec le dedans et le dehors, pense l'être et le non-être. La métaphysique la plus profonde s'est ainsi enracinée dans une géométrie implicite, dans une géométrie qui, qu'on le veuille ou non, spatialise la pensée. On fait passer au rang d'absolu la dialectique de l'ici et du là. On donne à ces pauvres adverbes de lieu des puissances de détermination ontologique mal surveillées. En philosophie, toutes les facilités se paient et le savoir philosophique s'engage mal à partir d'expériences schématisées. Pourtant, souvent, c'est justement au cœur de l'être que l'être est en errance. Parfois, au contraire, c'est en étant hors de soi que l'être expérimente des consistances. Parfois aussi, il est, pourrait-on dire, enfermé à l'extérieur. Le poète Supervielle connaît le vertige extérieur. Parfois, l'écrivain parle aussi d'une immensité intérieure. Et ainsi, les deux espaces du dedans et du dehors échangent leur vertige. Après des courses sans fin dans la pampa sud-américaine, Jules Supervielle écrit « À cause d'un excès de cheval et de liberté, et de cet horizon immuable, en dépit de nos galopades désespérées, la pampa prenait pour moi l'aspect d'une prison, plus grande que les autres. Si l'on multipliait les images, en les prenant dans les domaines de la lumière et des sons, de la chaleur et du froid, on préparerait une ontologie plus lente, mais sans doute plus sûre que celle qui repose sur les images géométriques. Pour Bachelard, l'imagination et les rêves sont des révélateurs, voire des créateurs de notre manière de vivre. Et ces rêveries, ces images, sont toujours profondément matérielles, sensorielles et concrètes. Elles habitent nos corps, elles sont faites de tissus, d'eau, de terre. Elles connaissent la possibilité du paradoxe, du jeu et de l'hybridation. Ce sont des images qui se goûtent et qui se touchent. Ce sont des rêveries qui précèdent nos connaissances et qui permettent d'habiter le monde. Bachelard s'intéresse à la rêverie de la maison, à la poésie du coin, de l'armoire, du tiroir, de la cave, et bien sûr, à la poésie de la porte. La porte de Bachelard accepte d'autres qualités que celle d'être ouverte ou fermée. Il écrit. Alors que de rêveries il faudrait analyser sous cette simple mention « la porte ». La porte, c'est tout un cosmos de l'entrouvert. Dans les nuits de mai, quand tant de portes sont fermées, il en est une à peine entrebâillée. Il suffirait de pousser doucement. Les gonds ont été bien huilés. Alors, un destin se dessine. Et tant de portes qui furent les portes de l'hésitation. Et toutes les portes de la curiosité, qui ont tenté l'être pour rien, pour le vide, pour un inconnu qui n'est même pas imaginé. Qui n'a pas dans sa mémoire un cabinet de barbe bleue qu'il n'eût pas fallu ouvrir, entr'ouvrir. Et Bachelard conclut, comme tout devient concret dans le monde, quand un objet, quand une simple porte, vient donner les images de l'hésitation, de la tentation, du désir, de la sécurité, du libre accueil. Bachelard reste résolument un penseur de l'intimité chaleureuse et de l'intérieur heureux. Pour lui, la porte est avant tout promesse d'entrebâillement, faille, lumière qui se glisse sous la porte et vient lécher le bout des pieds. La dialectique implacable du dedans ou du dehors, de l'ouvert ou du fermé, se dissout, se complexifie, s'assouplit dans l'expérience corporelle, sensorielle, de la porte. Cette physicalité presque amicale avec la porte, je la retrouve dans ce poème de Francis Ponge, que cite un bouquin que je ne peux pas commander ni atteindre depuis mon confinement, et qui s'appelle « L'ethnologie de la porte » de Pascal Diby. Tenir dans ses bras une porte, le bonheur d'empoigner au ventre par son nœud de porcelaine l'un de ces hauts obstacles d'une pièce, ce corps à corps rapide par lequel, un instant, la marche retenue, l'œil s'ouvre et le corps tout entier s'accommode à son nouvel appartement. D'une main amicale, il la retient, avant de pousser décidément et sans clore ce dont ce déclic du ressort puissant mais bien agréablement huilé l'assure. Cette sensorialité, cette corporalité qui nous permet d'habiter le monde et d'en déjouer les règles trop binaires ou trop simplistes, c'est précisément ce dont nous sommes en ce moment collectivement privés. La fluidité géographique des privilégiés, la pantopie des sociétés dévoreuses de ressources, a permis à un virus de circuler mieux et plus vite, a permis au contrôle de circuler mieux et plus vite, et d'engendrer une situation d'immobilité inédite. En ce moment, que ce soit dehors ou dedans, tout est devenu prison, et les portes, comme le reste, se touchent le moins possible. La plus dure des sentences s'applique, comme d'habitude, à celles et ceux qui n'ont pas un lieu à soi ou s'enfermer. Sans surprise, la distanciation sociale et la coupure charnelle sont un luxe de la modernité. Bonjour, voilà une vieille porte de service qui est légèrement abîmée. On voit qu'elle plonge en plus. Le bas est complètement déglingué, la ferrure tient plus. Donc on va la refaire. J'ai souhaité faire une porte cloutée qui fasse un peu porte ancienne, même si le bois ne sera pas ancien, mais porte ancienne. Donc j'ai trouvé sur internet des clous, dits clous de marinier, qui sont des clous forgés à tête martelée. Me revient alors en mémoire ce vague souvenir à propos de Leibniz, que je n'ai jamais vraiment approché. Une image, une expression saisissante, plutôt terrifiante dans mon souvenir. Dans sa pensée, nous sommes ce qu'il appelle des monades. C'est-à-dire, chacune et chacun d'entre nous sommes un point de vue sur le monde, unique et irréductible aux autres. Et ces monades, écrit-il, sont sans porte ni fenêtre. Je me souviens juste de cette expression. Je ne me souviens de rien à propos de Leibniz. Je pense à mon corps, adouci, engourdi, amolli, plombé, devant l'ordinateur, heure après heure, jour après jour. Je pense à ces masses de chair connectées à la Matrix. Je pense à l'expérience d'un rêve collectif qui n'est pas le mien. Sans porte ni fenêtre. La phrase tourne dans ma tête. Alors je fais comme tout le monde, je cherche et me promène du regard par la fenêtre de l'écran. Quelqu'un a-t-il par hasard pondu un truc sur le confinement et sur Leibniz? Bingo. Mazarine Pinjot l'a fait. Mes divagations sur la porte ne convoquent que des hommes ou des bourgeoises blanches comme moi. Bon, au fond, je suis chez moi, bien calée derrière ma porte. Va pour Mazarine Pinjot. Sur mon écran, je lis « Les monades n'ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Il ne peut donc y avoir aucune interaction directe entre les monades, tout est médiatisé par le plan d'ensemble, tout se tient comme dans un système. Prétendre agir à partir de sa seule volonté libre et autonome est une illusion. Si une modification apparaît, elle se répercute sur l'ensemble. Si l'on devait faire un schéma de l'étrange organisation qui s'est mise en place depuis le lundi 16 mars, date à laquelle le confinement a été décrété, on pourrait emprunter à Leibniz celui de la monadologie. Quelles sont les caractéristiques de la configuration de la société du confinement? Essayons dans un premier temps de les décrire. D'abord, chacun est enfermé chez soi, sans porte ni fenêtre, puisqu'il n'a plus le droit de sortir, sinon pour sa subsistance. On assiste à la spatialisation du dogme libéral de la promotion de l'individu et de l'atomisation de la société. Autant de noyaux indépendants les uns des autres, mais qui forment un monde du point de vue de leur perspective. Du moins, est-ce l'ensemble des perspectives qui est le monde? Pinjot ajoute. Il y aurait bien sûr d'autres conclusions à tirer, d'autres réflexions à faire à partir de cette situation inédite et sidérante. La modéliser est un premier pas. Le deuxième pas serait de voir, derrière la fermeture des portes et des fenêtres sur les monades individus, la résistance d'un élan de solidarité qui veut faire société en dehors des réseaux, ou en se servant des réseaux sans y être inféodé. Ce désir de commun que le pacte libéral a nié pour se construire. Et le commun se décline en politique. Cela s'appelle les services publics, les droits réels, la solidarité, la redistribution. Le troisième pas serait de tirer les conclusions de l'évacuation de la dimension spatiale comme une coordonnée naturelle, palpable, au profit d'un simple ordre idéal, le réseau. En réalité, cette configuration radicalisée par le confinement décrit assez correctement le fonctionnement habituel des villes, où l'espace est quadrillé, fonctionnel. Pour sortir de l'espace idéal, au sens d'une simple idée, ne faut-il pas réintégrer dans le social une dimension, celle du lien de l'humain à la Terre, comme le seul cadre possible où réélaborer une pensée politique? Je ne sais pas, Mazarine, si le lien entre l'humain et le vivant, si le lien entre l'humain et la Terre va intégrer le centre du politique. Je ne sais pas si les aéroports et leurs portes, leurs fameux « gates », vont se remplir à nouveau de millions de personnes d'ici quelques semaines ou quelques mois à peine. Je ne sais pas si cela suffira de répéter les mêmes mots, les mêmes formules presque convenues, comme des mantras, de l'université Paris 8 où tu te trouvais d'habitude, aux rues de Lausanne à présent vides, ou dans les assemblées populaires de Santiago, désormais nettoyées par la police en raison d'un virus commode. Je ne sais pas, Mazarine. J'observe juste sur moi des petits changements, récents. Depuis que j'ai fermé la porte derrière moi, je regarde enfin attentivement comment David plante, sur le petit balcon, des cœurs de bœuf ou des green zebra, du thym, du piment, du gingembre, des fleurs sauvages. Comment il installe des maisons pour abeilles ouvrières, des maisons pour chauves-souris. Et même je l'aide. Je plonge ma main dans la terre douce et neuve que les lombrics viennent de chier. Je trouve mon nez, mes mains, mon dos. Derrière ma porte, je saisis à travers mon corps, immobilisé, que Oikos, la grande maison, notre maison-monde, est en fait la seule maison qui n'a pas de porte par laquelle on pourrait sortir. Il faut habiter, il faut cohabiter, il faut savoir être coloc, ou pourrir dans les ruines de la maison. Chante sans espoir, et la vie sur le quai d'un port. Oh, oh, oh. Avec la vie porte la mort. monsieur le juge, porte la loi. Et la prison au bout des doigts. Moi l'étrangère universelle. La mort avec la mort porte la vie. Et la colombe va s'envoler.